Je voudrais quelques renseignements sur... Je voudrais me renseigner sur... Je vous téléphone à propos de... Je vous téléphone au sujet de... J'ai lu une annonce dans le journal à propos de... La maison fait combien de mètres carrés? Elle fait quelle surface? Vous pouvez me décrire. La cuisine est équipée. Bueno, ya sabéis que las preguntas muchas veces se pueden hacer de tres maneras. Por ejemplo, en estas últimas preguntas, que son preguntas que contestas pues con sí o con no. Por ejemplo, vous pouvez me décrire, se podría preguntar con el est-ce que vous pouvez me décrire, o también con la inversión, pouvez-vous me décrire, o la última, la cuisine est équipée, que es la forma quizás un poco más coloquial. También podríamos preguntar, est-ce que la cuisine est équipée, ou la cuisine est-elle équipée.